Une année de soccer est maintenant passée encore une fois dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Question de savoir un peu comment ça a été le soccer. On va faire le bilan avec les gens de l'ARS, le directeur technique de l'ARS, Olivier Chartier, qui est en ligne avec moi. Salut Olivier. Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Olivier, cette année, on va faire un peu le bilan. Est-ce que l'année du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a été positif? Oui, ça a été très, très, très positif. Si on prend juste là. En U13, on a le tournoi des sélections générales là, qui regroupe les meilleurs joueurs de la région. Là, puis on a fait le meilleur résultat là, à vie pour notre région, chez les garçons. Fait que, on voit que la qualité là, du jeu s'améliore dans notre région, de notre côté. Puis également aussi, là, on a eu une belle participation là, dans nos ligues régionales, là, aussi là, de la majorité des clubs de la région. OK. Du côté de l'arbitrage, du côté des bénévoles, comment ça a été de ce côté-là aussi? Ça a bien été également. Dans le fond, au niveau là, des bénévoles, on se maintient là, comme à chaque année. On avait quand même 400 entraîneurs là, dans la région cette année. Ce qui est quand même là, un entraîneur pour 12 joueurs, ce qui est très, très bien. Mm. Puis, là, au niveau de l'arbitrage, là, le perfectionnement, il avance bien. Puis on essaie de mettre le plus d'efforts possible sur l'évaluation des arbitres, puis s'assurer qu'il y ait un bon suivi avec eux. C'est une pénurie de main-d'œuvre partout. Est-ce que donc de ce côté-là, ça va quand même assez bien? Oui, ben au niveau de l'arbitrage, c'est sûr qu'au niveau senior, on aimerait peut-être s'en avoir un peu plus des arbitres. Okay. On en manque peut-être. Là, justement, dans le haut du lac Saint-Jean, c'est un peu plus compliqué. Fait que souvent, c'est des arbitres, exemple, d'Alma, Chicoutimi ou Jonquière qui doivent aller arbitrer là, à Saint-Félicien ou à Dolbeau. Fait que c'est sûr que faut qu'on regarde pour une stratégie pour essayer d'attirer les gens du Haut-du-Lac à se former un peu plus. Mais sinon, là, en général, là, ça va quand même assez bien. OK. Si on parlait un peu maintenant des projets, est-ce que vous avez des projets à venir sur la table à dessin que vous allez travailler au cours des prochains mois, des prochaines semaines? Il y a le futsal qui va décoller. J'imagine qu'on continue à être là-dessus. Oui, la Ligue futsal va décoller dans quelques semaines. Puis on devrait également là, annoncer là, une nouvelle ligue à Alma pour dans le centre multisport. Donc, ils ont intérêt à ce concept. Là, on travaille sur ce projet-là. Également, on a eu un gros projet qui s'est concrétisé le mois dernier. On a embauché deux adjoints techniques à temps plein à l'ARS. Dont un là, qui va travailler moitié du temps à l'ARS puis moitié du temps au développement des clubs du Haut-du-Lac-Saint-Jean. OK, OK. Dis-moi, ça en est rendu aussi du Soccer Dome? Le Soccer Dome, la première pelletée de terre est supposée avoir lieu là, en avril prochain pour une construction complétée en septembre 2021. OK. C'est les dernières nouvelles qu'on a eues là, de Ville-Saguenay. Et puis là, ça semble être très, très, très officiel. OK. Mais il n'y a pas eu vraiment... Est-ce qu'il y a eu une annonce de fait là-dessus? Parce que je sais que le promoteur s'était retiré. Il n'y a pas eu d'annonce, ça? Hein? Moi, j'ai pas vu ça passer. Là. Ben oui, oui. La ville elle a annoncé qu'elle allait construire un soccer dôme à Jonquière, dans le coin de l'ancien Walmart. Là. OK, OK. Dans ce coin-là. Okay, exactement. Okay. Ouais. Puis ça va vraiment améliorer beaucoup le soccer dans la région. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Ben, ça, c'est certain, parce que nos jeunes de 11 ans et plus, ben, l'hiver, ils peuvent pas s'entraîner comme ailleurs au Québec, c'est un grand terrain. Mm. Fait que ça paraît énormément. Au niveau technique, on est quand même très fort, mais au niveau tactique, là, c'est pas la même chose. C'est comme si on demandait à une équipe de hockey de s'entraîner sur une demi-glace pendant 10 mois. Ouais. Dis-moi, parle-moi de l'impact de Montréal. C'est très difficile dans la région. Moi, j'ai de la misère avec l'impact. Là. Je te conterai pas d'histoire. J'ai eu des joueurs par le passé, mais c'est pas facile. Les gens également, quelque part, on voit en région, c'est très difficile l'impact. Ils n'ont pas vraiment l'intérêt. J'ai l'impression que c'est plus un phénomène montréalais. Et l'impact là-dessus, là, c'est pas. Ils ont beaucoup, beaucoup de travail à faire. T'sais, c'est quoi la collaboration de l'ARS avec l'impact? Nous, avec l'Impact, on a une bonne collaboration. Ils sont venus ici là, en mai 2018. Ouais. Le directeur de l'Académie de l'Impact, il est venu faire un camp de 2 jours. Après ça, l'Impact, nous a accueilli les techniciens de la région là, dans leur bureau à la fin du mois d'août 2018. Et puis, en mai dernier, on a eu une formation avec les éducateurs de la région, puis c'était le directeur de l'Académie de l'Impact qui est venu offrir la formation aux éducateurs de la région. Donc, nous, là, au niveau technique, on a une très bonne collaboration avec l'Impact. Au niveau administratif, par contre, moi, de mon côté, j'ai pas eu vraiment affaire à eux. OK. Dis-moi si est-ce qu'il y a un travail de. Vous allez également faire un travail pour essayer d'attirer peut-être une équipe peut-être de la Première Ligue québécoise. Je sais qu'il y a une Première Ligue qui existe. Je me semble que ce serait bon pour le soccer dans la région. Est-ce que c'est une possibilité aussi? Je sais que c'est le rêve de certaines personnes, là. Ouais, ben dans le fond, il va y avoir une fusion des clubs de Chicoutimi et de Jonquière. Okay. Qui va être effective là, à partir de l'été 2020. Fait que eux, ce club-là, à court terme, je pense pas qu'ils vont viser une équipe en Première Ligue du Québec, mais c'est une possibilité à long terme. Quand je parle de long terme, ça peut être une possibilité en 2025 et plus. Là. OK. Mais a priori, ça prend un stade en premier. Ouais. C'est sûr. Là. Ben Olivier, merci beaucoup. Plaisir de se reparler. Puis on s'en parle bientôt. Puis je gêne-toi pas s'il y a quelque chose. Parfait, ça fait Olivier plaisir. Olivier Chartier, merci. Le directeur technique de l'ARS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.